Il répondit non, d'abord, et se décida à la donner aux pauvres. C'était dur, tant pis. Il vendrait son mobilier et travaillerait comme un autre, comme travaillent tous ceux qui débutent. Cette résolution, virile et douloureuse, fouettant son courage, il se leva et vint poser son front contre les vitres. Il avait été pauvre, il redeviendrait pauvre. Il n'en mourrait pas, après tout. Ses yeux regardaient le bec de gaz qui brûlait en face de lui de l'autre côté de la rue. Or, comme une femme attardée passait sur le trottoir, il songea brusquement à Madame Rosemilie et il reçut au cœur la secousse des émotions profondes nées en nous d'une pensée cruelle. Toutes les conséquences désespérantes de sa décision lui apparurent en même temps. Il devrait renoncer à épouser cette femme, renoncer au bonheur, renoncer à tout. Pouvait-il agir ainsi, maintenant qu'il s'était engagé vis-à-vis d'elle? Elle l'avait accepté, le sachant riche. Pauvre, elle l'accepterait encore. Mais avait-il le droit de lui demander, de lui imposer sacrifice? Ne valait-il pas mieux garder cet argent comme un dépôt qu'il restituerait plus tard aux indigents? Et dans son âme, où l'égoïsme prenait des masques honnêtes, tous les intérêts déguisés luttaient et se combattaient. Les scrupules premiers cédaient la place aux raisonnements ingénieux, puis reparaissaient, puis s'effaçaient de nouveau. Il revint s'asseoir, cherchant un motif décisif, un prétexte tout puissant pour fixer ses hésitations et convaincre sa droiture native. 20 fois déjà, il s'était posé cette question. Puisque je suis le fils de cet homme, que je le sais et que je l'accepte, n'est-il pas naturel que j'accepte aussi son héritage? Mais cet argument ne pouvait empêcher le non murmuré par la conscience intime. Soudain, il songea. Puisque je ne suis pas le fils de celui que j'avais cru être mon père, je ne puis plus rien accepter de lui, ni de son vivant, ni après sa mort. Ce ne serait ni digne ni équitable. Ce serait voler mon frère. Cette nouvelle manière de voir, l'ayant soulagé, ayant apaisé sa conscience, il retourna vers la fenêtre. « Oui, se disait-il, il faut que je renonce à l'héritage de ma famille, que je laisse à Pierre tout entier, puisque je ne suis pas l'enfant de son père. Cela est juste. Alors, n'est-il pas juste aussi que je garde l'argent de mon père à moi ?» Ayant reconnu qu'il ne pouvait profiter de la fortune de Roland, s'étant décidé à l'abandonner intégralement, il consentit donc et se résigna à garder celle de maréchal, car en repoussant l'une et l'autre, il se trouvait réduit à la pure mendicité. Cette affaire délicate, une fois réglée, il revint à la question de la présence de Pierre dans la famille. Comment l'écarter? Il désespérait de découvrir une solution pratique quand le sifflet d'un vapeur entrant au port sembla lui jeter une réponse en lui suggérant une idée. Alors, il s'étendit tout habillé sur son lit et rêvassa jusqu'au jour.